Justine Renaud qui vient d'arriver. Oui, bonjour. Hello. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Mais oui. Hey, t'arrives toujours au bon moment? Oui, je sais. J'arrive toujours au bon moment. J'ai jamais un cheveu sur la soupe, moi. Un cheveu dans un jeu de quai? Peut-être un poil plus bien, mais jamais un cheveu. Outrage. C'est bon, ça? Ouais. Ça va trop loin. Oui, je sais. Comme d'habitude, non? Je connais pas les détails de ta vie. Bon, enchaînons. Voici un instant classique. Voici, à chaque fois, voyons. C'est tout à moi. Je sais. T'as connais pas ta tourne? Je m'énerve tellement. Hey, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis de la semaine passée, celle du 23 janvier 2012. On peut poster ça sur Facebook, on peut... Twitter même. Twitter. Hey, on peut le faire imprimer même. Si je savais comment ça marchait. Twitter ou l'imprimante? Les deux. Plein de sujets à aborder plus tard. Le carnaval, les sports. On a de la soupe à gouper. La soupe à gouper. On recommence. On reprend la scène, tout le monde. Avec Angélie Durocher qui va venir nous parler des activités qui s'en viennent. Ne. Ça vient de Ouais. On va parler de la GEQTR avec Angélie Durocher. Petite intro. Billy Bop, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rap, Wiki, Wiki. On t'a pas supposé faire un rap? Non. Plus d'assemblage requis après la pause. Ouais. Hey, hein? Fais pas une crise d'épilepsie ce matin. L'allergie alimentaire. Ouais. Orgie alimentaire. Allergie. Non, ouais. Absolument. C'est mon sport préféré d'ailleurs. On se badigeonne de beurre de peanut et c'est de toute beauté. Alexandre Aramis Wiki. C'est ça quand tu fumes des gitanes. Écoute, ça récure. Ça récure. Non, pas des gitanes. Pas des les gitanes. Personnes. Okay, non, okay, c'est ça. Pas, des cheveux de gitanes, c'est de toute beauté pour se mettre de bon pied le matin. Vive le carnaval. Oh yeah! J'ai peur que Gab soit allergique. Elle est allergique à quoi? Elle est allergique aux petits fruits, Gab. Tous les petits fruits? C'est ça, parce que quand Gab en mange, c'est vraiment drôle parce qu'elle zozote. Ah oui, pour elle vrai? Elle a la langue qui devient vraiment très épaisse, à peu près comme un petit burger de A&W. Pour vrai? Et, oui, oui. Cool. Je veux voir ça. Ben écoutez, on va... Bon matin, tout le monde, bon carnaval. Bon, en tout cas, je m'ennuie de Melon Miel et Sucre de Bruxelles, juste pour te dire, Alexandre. Ah, est-ce qu'on chante Melon Miel et Sucre de Bruxelles? Attention. OK. Melon Miel et Sucre de Bruxelles. Ensoleilleront ta journée. Ensoleiller ta journée. Melon, miel et choux de Bruxelles. OK, le buzzer de cette ronde-ci d'intervention, c'est se faire des bulles dans un verre de liqueur. Donc attention, Gabriel, fais des bulles dans ton verre de liqueur. C'est ma liqueur, non? Ouais, c'est même pas la sienne. Ah, oh, méchante fille. Oh, ça va pas partout. Ah, ben c'est ça, c'est le bon Dieu qui te punit pour faire des bulles dans ma liqueur. C'est le karma, c'est le karma. Alors attention. C'est louche. Le camp, c'est un organisme vraiment qui est en feu. Alors la balle est dans le camp. Aïe, aïe. Ouais. J'approuve. Vous avez une tempête de neige. C'est vrai. Mathieu. M.D. Bon. C'est fini, je pense. C'est un beau petit sketch quand même. Hein? Un beau petit sketch à ma part. Une vraie sitcom. Oh boy. Maintenant, on reçoit Gabriel Degrasse du Carnaval étudiant qui est de retour d'une autre soirée magnifique et longue. Encore en vie. Ouais. J'essaye. C'est ça, pour l'instant. J'essaye. Ensuite, 10h à midi, c'est le député transé de Le Camp, donc qui va avoir lieu dans le 10-12. Ton gros serré, ton tard. Une grosse épreuve pour toi. Hein? Je suis stressée, mais là, je commence à stresser pour vrai. Tu t'es rasé à quelle heure? Mais couper les cheveux. Je risque de me faire raser en dernier. Pourquoi? Parce qu'ils pensent mettre ma tête aux enchères. Ben, t'es la vedette quand même de ces fous en ce moment, puis du carnaval. Mais donc... peut-être aussi parce que j'ai les cheveux un petit peu longs. En deuxième place, mettons. J'ai vraiment plus de voix, je m'excuse. Non, ça va. Plus la chronique avance, moins t'en as. Ouais, c'est correct. Gabriel Degrasse, qu'on lui dit d'ailleurs merci ou de gracias. De gracias. Ah, t'es tellement espagnol. C'était suave. Oh, oui. Manquait juste le sombrero. Oui. Ah, Gabriel Legrand, ça n'avait aucune voix à la fin. Au début, j'étais comme, c'est-tu René Angélil? Vous avez invité René Angélil? Wow! C'est drôle, c'est drôle. Parlant de René Angélil, on va voir d'autres instants classiques tantôt. Exactement. Avec les moments de cette semaine. Et là-dedans, on parle de René Angélil. Donc. Okay, ah oui? Je me demandais le lien avec René, là. Je comprenais pas. Peut-être congélation de semences. Mais toi, hein? C'est après-midi. Mais il a congelé sa semence. De quoi t'as parlé tantôt, en plus? Hein? T'as parlé de tes... c'est sexuel, quelque chose. Hein? Sexuel? Ouais. Hein? Je sais plus. Moi, faire une référence sexuelle? Jamais! Donc, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine passée, du 23 janvier 2012. On les avait pas joués parce que c'était le carnaval puis il y avait plein d'affaires avec le quiz ben, sur la musique. Oui. On avait oublié ça. Donc, voilà, c'est fait. Tout le monde était là pour me voir. Vous êtes les vedettes du quiz, là, Jasmine et Justine? Non, Jasmine, hein, mon Dieu, tout le monde... La première ronde, j'étais quand même bonne, là. Non, quand même bonne. Elle disait toutes les réponses. La elle torchait. Mais c'était même pas à son tour, puis elle répondait. Mais après ça, je suis tombée sur une ronde. Non, mais moi aussi, ma ronde était à chier. C'est ça. Hey. Mais c'est parce que je connaissais pas, mais c'est normal. Là. Je veux dire, quelqu'un qui devait être à ma ronde au début devait juste peut-être pas connaître les réponses et aurait été meilleur à un autre. C'est exactement. C'est un concours de circonstances. Ça, mettons que ça allait évoluer. Hein, mais tu sais, en même temps, tant mieux. Là, je prétends pas être une experte en musique. J'ai vu ceux qui sont rendus à la fin qui le méritaient grandement. Là, juste d'être en finale, c'était quelque chose. Mm-hmm. Simon, ce matin, a un petit peu parlé sur le fait qu'ils avaient battu tous les deux. C'est ça? Ouais. Est-ce qu'on s'y attendait? Je pense que oui. Mais ben, qui en parle, en fait, il y en a parlé. J'avais dit moi-même que si gagnons, on allait en entendre parler. Vous avez cité vos noms en ondes. Ah oui. Garnement.